France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Je crains que le sacre du printemps, où je ne fais plus appel à l'esprit des contes de fées, ni à la douleur et à la joie toute humaine, mais où je m'efforce vers une abstraction un peu plus vaste, ne déroute ceux qui m'ont témoigné, jusqu'ici, une sympathie chère. Voilà ce qu'écrivait Stravinsky avant la première du Sacre du Printemps en 1913. Après, il savait à quoi s'en tenir. On sait le scandale que fut cette première représentation publique du Sacre, due d'ailleurs tout autant à sa chorégraphie qu'à sa musique. Il faut croire qu'une bonne société d'alors, avant d'être balayée, se sentit mise en cause, menacée par cette musique. On dit même que la comtesse de Pourtalès aurait dit ce soir-là « C'est la première fois que l'on me manque de respect ». Qu'elle soit savante ou populaire, qu'elle soit d'une classe, d'une caste ou de la rue, la musique est la vie même. Elle se compose, se décompose et se recompose au gré des bouleversements idéologiques et techniques de l'histoire des peuples. C'est ce que nous proposaient d'explorer et de comprendre Rémy Stricker et Alain Ferron en 1980, qui consacraient deux grandes émissions de La musique et les hommes aux complexes relations à travers l'histoire de la musique et du pouvoir, qu'ils soient religieux, politiques ou économiques, qu'ils soient totalitaires ou démocratiques. La musique et les hommes, musique et pouvoir, deuxième et dernière partie. Bonsoir. Eh bien, en guise d'indicatif, nous venons d'entendre un chant révolutionnaire cubain intitulé « Guerrière ». Mais avant tout, faisons un petit résumé de l'émission précédente et de celle-ci d'ailleurs aussi. En Afrique, la parole est musique et la musique verbe, force vivante, communautaire et vitalité fécondante. Elle détient un attribut mythique en tant que force vitale créatrice et force maléfique destructrice. Le son est esprit indivisible de la vie, du cosmos, de l'univers. Elle est moyen de communication, langage signifiant à part entière. Et pour les Africains, la notion d'art, de spectacle n'existe pas. Or, dans notre histoire occidentale, la musique s'est hissée, en perdant ses neiges d'antan, à un statut culturel détaché de la vie. Déracinée, elle est devenue objet d'étude, focalisation de l'esprit conceptuel, image abstraite. Ainsi a-t-elle pris une dimension élitiste. La connaissance donne le pouvoir, les pouvoirs ont besoin de la connaissance, le cercle était bouclé. Subversive ou oppressive, la musique était désormais une arme, un moyen de diffusion, un média que la politique, tout autant que le politique, ne pouvait ignorer. L'édition a implanté ce média, l'a diffusé jusqu'à tailoriser le produit de consommation musicale. L'Occident s'en est servi afin de coloniser le tiers-monde, tant l'Église que l'État. Les ramifications, les manifestations historiques, sociales et économiques en sont immenses, fruits de l'européanisation de la planète. Le national-socialisme d'Hitler avait compris bien des choses et avant lui, la Révolution française de 1789, l'Église de l'évêque russe Tourovski au XIIe siècle, en passant par le pape Grégoire le Grand au VIe. Nombreuses sont donc les causes, nombreux sont les leaders, nombreux sont les pouvoirs qui ont su tirer la leçon de l'histoire et utiliser la musique, la culture, afin d'imposer leurs idées, leurs politiques ou de les consolider. Force nous est donc de constater que le free jazz fut un mouvement politique de revendication des Noirs face à l'annihilation de leur culture circonvenue par les Blancs et le pouvoir de leur argent. Que le rock en Tchécoslovaquie fut le porte-drapeau de la protestation d'une jeune génération révoltée. Que le jazz en Union soviétique ensemençait l'anticulture, fomentait la dissidence des intellectuels qui refusaient l'oppression. Voilà ce que j'avais dit dans l'émission précédente. Que la musique se porte donc au secours des pouvoirs ou qu'elle prenne le maquis, qu'elle se fasse alibi, complice ou Judas, les pouvoirs ne pouvaient point ne pas s'apercevoir de sa puissance, de son impact, de son irradiation. Aussi se sont-ils alliés l'art allant pour plus de sûreté jusqu'à l'institutionnaliser. L'IRCAM aujourd'hui en est un exemple des plus évidents. Or donc, les conséquences d'une telle situation sont multiples et ramifiées à l'infini. Faisant partie de notre quotidien, on finit par ne plus voir les rouages de la machine infernale. De Sheila au disco, de l'IRCAM à l'ordinateur, du vedettariat au matraquage, notre société de consommation consomme et digère tant bien que mal. Les racines sont désormais profondes. Rien d'étonnant alors de constater que l'enseignement, bastion de tout pouvoir, a depuis longtemps envisagé le problème et répondu, à sa façon, aux questions toutes simples que pose la musique face aux politiques. Alors, où va-t-on ? Quelles actions la musique devra-t-elle entreprendre afin de survivre à l'asphyxie dont tous les pouvoirs la menacent ? De la clandestinité à l'underground, en passant par la révolution, la libre expression ou l'anéantissement pur et simple, quelle sera la musique de demain, ses manifestations visibles ou souterraines ? Là ne sera pas notre propos. Nous pouvons simplement constater que la situation est préoccupante, que ce n'est point un hasard si musique et pouvoir se sont liés pour le meilleur et pour le pire. Reste donc à envisager une dernière manifestation de la musique face au pouvoir, des pouvoirs face à la musique, c'est le recours du pouvoir à la musique par le biais des institutions. Et pour ce faire, nous remonterons quelque peu dans le temps jusqu'à la Révolution française. Celle-ci aura en effet la vigilance révolutionnaire de protéger la musique et les musiciens contre le pouvoir de l'argent, suppôt de la bourgeoisie honnie. Ainsi tentera-t-elle sa nationalisation par l'organisation rationnelle de la production musicale en tant qu'outil idéologique de l'État. Les schémas ne changent décidément pas beaucoup. Désirant donc le contrôle de la production idéologique, la Convention créera en 1793 l'Institut national de musique afin de doter l'État révolutionnaire de droits encore plus totalitaires que jamais la royauté n'imposa. Le propos coopératif de départ en était de réunir les artistes européens afin de les faire travailler, et ce, dans le but suivant. D'anéantir cet engourdissement honteux dans lequel les arts furent plongés par la lutte impuissante et sacrilège du despotisme contre la liberté. Extrait en français dans le texte du règlement de l'Institut national de musique. Aussi fallait-il encourager la musique véritablement civique, celle descendant dans la rue, sur la place publique, une musique de fête véritablement populaire, active et fraternelle. Célébrer la République, la soutenir, la glorifier. Voilà donc le but de la musique sous la Révolution. En filigrane, il s'agissait d'interdire ainsi la musique, celle qui amollit l'âme des Français par des sons efféminés, celle que l'on joue dans les salons ou les temples consacrés par l'imposture, phrase de Gossec, et dans laquelle il faut entendre imposture comme qualificatif de l'ancien régime. Autrefois, tout dans la nature agitait doucement mon cœur. Des gazons, j'aimais la verdure, j'admirais la naissante fleur. Ce clair ruisseau, ce frais bagage, cet air que flore parfuma, ces oiseaux, leur joli ramage, tout me plaisait, il était là. Il était là. À présent, à peine j'en jure, ce qui me charmait autrefois, du ruisseau, murmure, je crains l'ombre triste des bois. Je maudis l'épine piquante du rosier que m'a planté. Tout ma fortune me tourmente, rien ne me plaît. La musique est alors rattachée à la garde nationale créée en 1789, ce qui signifie, en clair, que la Révolution lui dévolut le rôle de gardienne de l'État contre l'idéologie bourgeoise. Une prise de position teintée de militarisme répressif-oppressif, puisque le règlement de l'Institut national de musique stipulait « Alors, la nation formera plus facilement les corps de musique qui animent au combat nos phalanges républicaines ». L'autre but idéologique et raison d'être de cet institut créé en Messidor en deux est inclus dans la déclaration que voici. Qui donc encouragera les sciences utiles si ce n'est le gouvernement qui leur doit l'existence qu'autrefois leur procuraient les riches et les grands amateurs par goût et par ton? Peut-on se dissimuler que les nouveaux riches sortis du limon de la Révolution sont crapuleux et ignorants et ne répandent que les mots produits par leur insatiable et stupide cupidité? Fin de citation. Ainsi était mise en lumière à la fois l'utilisation de la musique par une idéologie quelle qu'elle soit et le détournement bourgeois de l'idéologie soumise à l'emprise de l'argent. Et dès lors, avec l'entrée en jeu du pouvoir économique, les problèmes s'aiguisent, deviennent plus complexes à démêler. Et de fait, la Révolution, bien intentionnée, échouera dans sa tentative de désacralisation de l'argent et l'Institut allait changer de nom pour devenir en 1795 le Conservatoire. Un nom qui ne cache ni sa fonction, ni son idéologie réactionnaire. La musique, comme le souligne Jacques Attali, allait devenir propriété de ces nouveaux riches et ce qu'on peut appeler le projet de nationalisme militaro-musical de la Révolution allait s'écrouler dans l'expansion industrielle. Ainsi évoluera le rapport politique et économique de la musique avec le pouvoir. Or, à partir du moment où le créateur prendra place dans la division du travail, c'est la bourgeoisie et la libre entreprise qui vont triompher sur l'idéal révolutionnaire et populaire d'une musique pour le peuple. Aussi, la musique va-t-elle dès lors être le lieu de l'ambiguïté politique marxiste, par la valeur qu'on lui accorde, de par le travail du compositeur, capitaliste, de par la notion d'échange culturel portant en soi les fruits du concept de la vente d'un produit abstrait, à qui l'on finit par reconnaître valeur monnayable d'argent. Il est donc deux aspects à ce problème de recours du pouvoir à la musique. Le premier met l'accent sur la production-consommation, c'est la culture par l'argent, propagatrice de la musique de classe, c'est l'élimination oppressive par le pouvoir économique. La seconde porte ses efforts sur la destination essentiellement doctrinale, idéologique, tant esthétique, technique, qu'éthique ou politique. C'est la culture pour le peuple, le nivellement de l'art pour tous. La première est pernicieuse car rarement formulée quant à ses objectifs politiques sous-jacents. La seconde est tout autant totalitaire mais avec la candeur de ne point se cacher. Tout autant pernicieuse aussi d'ailleurs que la musique de conscience capitaliste mais fière quant à elle de son intransigeance portée bien haut comme drapeau de la liberté du peuple. Mais avant d'aller plus loin, faisons une légère digression sur la musique et le pouvoir de l'argent. La musique est devenue au XXe siècle une véritable marchandise, un moyen de produire de l'argent. Vendu, consommé, on la soumet à des études de marché, à la rentabilité. Sa durée d'existence s'est raccourcie à l'éventualité temporelle d'un succès limité dans le temps. Nous parlons ici, bien entendu, de la musique dite populaire, donc de grande consommation, variété et musicomètre vendue au supermarché. The Logical Song par l'orchestre Caravelli. Ce boom d'une telle prise de conscience économique est d'ailleurs inclus dans l'histoire de la musique dès le 19e siècle, avec l'apparition des concerts publics, du romantisme, décrétant le créateur désormais artiste et non plus artisan. Un problème que nous retrouverons tout à l'heure en essayant d'envisager le phénomène du vedettariat. Ce qu'il faut souligner, c'est que, de droite ou de gauche, le pouvoir théorise de toute façon économiquement la musique, suivant son idéologie de base. L'éclosion du disque, de la radio, va précipiter la production, entraîner une nouvelle culture de masse média et une nouvelle manipulation aussi, visant la subversion oppressive de l'acheteur potentiel. De là découle le concept du hit parade, celui du matraquage, de la publicité. La musique était devenue une industrie. La qualité intrinsèquement musicale n'a plus grand-chose à voir avec la promotion d'un article produit et distribué à fin de bénéfices pécuniaires. Le marché de la musique de consommation est donc le fait d'une colonisation culturelle, mais sur ce point aussi nous reviendrons. Anesthésiée donc, la musique a perdu en Occident sa signification rituelle, sa valeur en soi que l'économie lui avait reconnue dès le XVIIIe siècle finissant. Notre variété, notre chanson populaire, devint alors, curieusement, la négation de la création sur laquelle elle a bâti son empire. L'on pourrait croire que cette musique, dès ce moment, est devenue véritablement démocratique, populaire, donc produit socialiste et socialisant, mais il n'en est rien. Nous avons affaire ici à la mystification des plus réussies et pernicieuses de la capitalisation artistique. Ce problème de l'argent va dès lors être renforcé par les institutions. Et retournons, si vous le voulez bien, à la musique contemporaine, celle que l'on nomme élitiste, que l'on enferme dans des ghettos de production et de diffusion par peur de la conscience politique encore « non récupérée », entre guillemets, qu'elle véhicule. un extrait de la suite Loulou d'Alban Berg, interprété ici par le New York Philharmonic sous la direction de Pierre Boulez avec la chanteuse Judith Blegen. Un extrait dans lequel nous avons pu entendre le lead de Loulou. Lead où l'héroïne résume en quelques lignes d'une lucidité terrible sa nature foncièrement amorale et donc au-delà du bien et du mal, car innocente. Le problème pour le pouvoir est donc de détourner à son profit la puissance subversive de la musique, de la culture, en la prenant comme alibi de liberté d'expression. C'était un extrait du Marteau sans maître de Pierre Boulez, l'artisanat furieux. L'ensemble musique vivante était placé sous la direction du compositeur et la mezzo-soprane était Yvonne Minton. C'est donc de la prise du pouvoir d'une musique devenant propagatrice d'un pouvoir que nous traiterons ici. Et pour ce faire, notre exemple sera l'IRCAM. En effet, cet institut de recherche et de coordination acoustique et musique détient tous les paramètres nécessaires à notre démonstration. L'IRCAM représente ainsi à la fois le pouvoir de l'argent avec ses conséquences sur la liberté créatrice, le véhicule culturel du pouvoir et le centre désigné par ce dernier comme étant le creuset révolutionnaire de l'avenir artistique. Mais analysons tout d'abord les rapports de l'IRCAM avec l'argent. Cet institut, rattaché et détaché à la fois de Beaubourg, est le symbole vivant de notre évolution économique et politique. La vie artistique étant fondée sur la concurrence, le meilleur moyen d'imposer une culture étatique est donc de privilégier un point de l'échiquier en y concentrant moyens et qualifications individuelles tant que professionnelles ou matérielles. C'est sur un tel terrain que germe le monopole économique. Un monopole effectif qui risque de mettre en danger la survie d'une pluralité d'expressions créatrices. Les problèmes, les faits et leurs conséquences sont dès lors vastes et difficiles à cerner, rentrant d'ores et déjà en interrelation. Le nœud de l'action se situe en outre dans la crédibilité d'un tel institut. Voici ce qu'en dit le rapport Pierre-Michel Menger, « La condition du compositeur et le marché de la musique contemporaine », rapport réalisé à la demande du ministère de la Culture. Bénéficiant d'un contexte porteur, Beaubourg, et de moyens financiers sans commune mesure avec ce qui existe, Boulez, directeur de l'IRCAM et de l'ensemble intercontemporain, et son équipe ont simplement appliqué à la diffusion de la musique du XXe siècle les techniques et la rationalité du marketing. Un budget et des campagnes publicitaires importants, une construction judicieuse des programmes, un orchestre stable d'instrumentistes très confortablement rémunérés, un souci très professionnel de la qualité de l'exécution, nourrissent l'a priori de la croyance en la dignité des œuvres présentées. C'est aussi par l'institution du rôle de test-maker que l'ensemble des conditions ainsi réunies paraissent se mettre au service d'une grande cause culturelle. En convertissant tout son capital de malédiction, accumulé dans l'expérience du domaine musical, dans l'hostilité de l'establishment musical, en charisme de chef de file et de professionnel accompli du marché général de la musique, Pierre Boulez garantit sur son nom la qualité des concerts de l'ensemble qu'il préside. La diffusion de la musique contemporaine se restructure donc autour de l'ensemble intercontemporain de Boulez et des activités de Radio France. Les autres associations pourraient au mieux prétendre agir comme des têtes chercheuses ou des cribles qui retiendraient des œuvres ou des compositeurs que les deux institutions importantes peuvent rendre plus populaires. Les associations spécialisées ont surtout pris le chemin d'une modeste décentralisation et c'est à l'évidence dans un soutien actif à une déconcentration de l'offre spécialisée que l'État et les collectivités locales devraient engager la diffusion. L'effort important de l'État dans l'aide à la création perdrait beaucoup de son sens s'il ne tenait aucun compte des contradictions provoquées par le gonflement d'un marché surassisté et entièrement artificiel. La croissance s'était entièrement modelée sur les vœux et les critères des demandeurs existants, le milieu des créateurs et des professionnels de la musique renforçant ainsi l'autonomisation et la marginalisation de la diffusion contemporaine. Or donc, l'IRCAM, organisme de recherche, n'est pas l'unique structure mise en place puisqu'elle se lie son propre système de diffusion avec la création de l'ensemble intercontemporain. Ce monopole de la production et de la diffusion entraîne donc l'autonomisation et la marginalisation de toute culture existante ou voulant exister en dehors de l'institution mise en place. Cette politique culturelle rattachée étroitement à l'optique du pouvoir mérite que l'on s'attarde quelque peu sur le bilan créatif de l'intercontemporain et pour ce faire, parlons chiffres. Voici le pourcentage de créations françaises dans les trois dernières saisons de l'ensemble intercontemporain. 77-78, 38,04% d'œuvres françaises jouées. 78-79, 28,26%. 79-80, 24,61%. Quant au pourcentage des compositeurs français, exécutés dans le même laps de temps, il totalise pour 77-78, 33,33%, pour 78-79, 28,26%, pour 79-80, 24,61%. Ceci était prévisible et du reste, le compositeur Paul Méfano, directeur de l'ensemble de musique contemporaine de ZE2M, disait déjà en mars 77 « Vous ne pouvez à l'infini espérer en la parabole de David et Goliath ». Cette petite phrase recouvre deux problèmes nés de la prise du pouvoir par la musique. Le premier, comme on peut le voir dans ces chiffres, est l'anticorporatisme d'une telle démarche culturelle vis-à-vis de la création nationale. Une politique qui s'explique par l'objectif de l'IRCAM intercontemporain de regrouper autour d'eux le marché international de la musique contemporaine, de se hisser ainsi au premier rang dans les circuits sélectifs de diffusion. Une attitude de soif de puissance qui sacrifie pour se satisfaire l'existence de circuits marginaux restreints dans leurs moyens économiques, mais dangereux par leur prise de position et leur démarche culturelle. Thank you. Un extrait de « Au-delà du hasard » de Jean Baraquet par l'ensemble 2E2M sous la direction de Paul Méphano. La seconde réflexion nous renvoie au pouvoir de l'argent. En effet, les subventions de l'intercontemporain sont tout aussi importantes dans le domaine de la diffusion que celles allouées à l'IRCAM dans le domaine de la recherche créative. Or, l'inégalité des moyens répartis ainsi sur un plan national est évidemment l'anticipation d'une prochaine inégalité radicale en ce qui concerne d'une part le capital intellectuel et scientifique de telles institutions et d'autre part dans le droit à la différence qui est la liberté artistique première. Arrivé à ce point de notre analyse, il nous faut maintenant soulever quelques problèmes esthétiques et éthiques aux résonances encore et pour le moins politiques. Le premier point que nous développerons sera le statut économique de ces compositeurs-chercheurs employés de l'IRCAM et donc de l'État. Fonctionnarisés, ces musiciens accèdent à une rémunération mensualisée substantielle. En quelque sorte, un pouvoir en vient à mettre en place une socialisation, une soviétisation de la culture par la puissance de l'argent. Et ce, au moyen de la signature sur un contrat officiel, contrat assurant par là même la reconnaissance sociale de leur statut, de leur formation, de leur reconnaissance musicale. C'est là une forme pernicieuse d'achat de culture que renvoyait le créateur à une fonction d'ouvrier, même si cette fonction est rendue honorifique par l'aura du titre de chercheur ou de celui de compositeur. En outre, ce terme de chercheur mérite tout de même que nous nous attardions sur sa signification réelle. Car un projet de création esthétique, l'IRCAM substitue celui d'un professionnalisme dans la recherche. Or, c'est ainsi reconnaître implicitement que la recherche pure est, dès lors, théorisée en nécessité historique, alors que le point de départ était simplement un choix esthétique, qui orientait son travail vers l'élaboration de nouveaux matériaux, synthèse des sons par ordinateur, étude des sons naturels, musique électronique, rapport linguistique-musique, psychophysiologie du phénomène sonore, etc. D'où la naissance de cet être ambivalent, mi-compositeur, mi-scientifique. C'était un extrait d'Inharmonique, une œuvre de Jean-Claude Risset qui associait la voix à une bande magnétique. Bande magnétique réalisée et synthétisée par ordinateur à l'IRCAM. En outre, comment raisonnablement croire que la création de nouveaux outils de production musicale va permettre de subvertir, de circonvenir les lois de la consommation artistique? De plus, reste toujours le problème de la qualification scientifique des créateurs employés dans une telle institution, puisque ceux-ci sont avant tout musiciens de formation technique et non des savants ou ingénieurs. Dès lors, où doivent commencer et s'arrêter les compétences des musiciens, afin que ceux-ci puissent travailler de manière productive en coopération avec les véritables chercheurs et scientifiques de l'IRCAM? Reste que la recherche prônée par ce centre, recherche unilatérale quant aux moyens offerts par le pouvoir, nie ainsi à l'évidence le droit à l'existence de la concurrence par son monopole scientifique et technique de la définition des objets de recherche, et nous en revenons au problème de l'ordinateur. Là est à la fois contenu le bien ou le mal fondé d'une éthique et d'une esthétique particulière à notre société technologique. Nous terminerons l'analyse de cet exemple de la prise de pouvoir par la musique par un second extrait du rapport Menger, synthétisant le nœud du problème IRCAM, celui de sa raison d'être profonde. L'invention créatrice se rationalise, les créateurs-chercheurs de l'IRCAM et des centres qui s'alignent largement sur sa structure constituent en problème la pédagogie, le jeu instrumental, la formation des amateurs et des professionnels, l'animation, la lutherie, la configuration des salles de concert, les barrières sociales et psychologiques d'accès à la consommation musicale, les lois psychoacoustiques de la perception musicale, sans parler de leur terrain familier, la composition. Des compositeurs sont donc salariés pour produire l'offre et la demande. Ce qui ne passe pas par une dialectique entre l'offre et la demande, comme sur le marché de grande consommation musicale, suppose un effort désespérément lent d'ajuster progressivement la demande sur l'offre qui reste surabondante. Dans ces conditions, la recherche, c'est avant tout l'autonomie fonctionnelle de la création musicale, le moyen de rationaliser les carrières de ses créateurs, qui, comme nous le remarquions pour l'enseignement, sont de plus en plus portés à enseigner, diffuser, gérer la nouveauté musicale seule et à se détacher des métiers, des contenus et des matériaux musicaux traditionnels, ceux-là même pour lesquels la demande sociale est la plus forte. Avant d'évaluer les conséquences de cette transformation, il faut souligner vigoureusement combien ce terme prometteur de recherche peut être mystificateur, tant la situation et les moyens des groupes ou des individus qui s'en habillent sont disparates. L'IRCAM monopolise ainsi, dans une très large mesure, la recherche fondamentale et appliquée. Son bras séculier, l'ensemble intercontemporain, domine de haut dans la diffusion des œuvres mixtes et purement instrumentales. Les autres centres de recherche se partagent les expériences pédagogiques, les activités d'animation, l'initiation des amateurs, les stages pour compositeurs et produisent le plus souvent, pour de petits circuits locaux, des musiques électroacoustiques qui ne bénéficient ni des recherches les plus approfondies, ni de la sophistication des musiques mixtes soigneusement élaborées au long d'une collaboration suivie entre créateurs, instrumentistes et ingénieurs, comme la possibilité en est donnée à l'IRCAM. Notre propos sera maintenant d'envisager les conséquences à long terme dans l'évolution historique, donc, de la prise du pouvoir par la musique. Notre première constatation sera la colonisation qu'un tel état de fait entraîne, colonisation des autres activités au profit d'une seule et unique, disposant de l'impunité légalisée, colonisation des masses à une culture de nivellement, qu'elle soit entreprise par le haut ou par le bas, et colonisation enfin d'autres civilisations. Nous avons vu le monopole colonisateur de l'institution, l'abrutissement d'une néoculture soumise à la consommation avec la variété et l'emploi de la musique comme propagande insidieuse d'une idéologie politique dans le tiers-monde. Reste alors à envisager l'aspect éthique et économique de la colonisation par la musique. La musique n'a en effet véritablement accédé à son rôle de marchandise qu'avec l'extension populaire de la diffusion phonographique et radiophonique. Ce fut le même résultat qu'obtint l'inventeur de l'imprimerie, la lecture pour tous. Avec Edison, naissait la musique pour tous. C'est donc l'invention qui créa le marché de l'offre et de la demande culturelle. Le produit colonisateur pouvait dès lors se développer. Le jazz est significatif à cet égard. Musique de révolte, elle devint bien de consommation, domestiquée, perdant ainsi sa signification dans l'aliénation récupératrice d'une économie avide de bénéfices. D'un point de vue éthique, le mot colonisation prend ici tout son sens, car le blanc, profitant de son capital et contrôlant ici le circuit de commercialisation musicale, se servira des spécificités de cette musique en l'occidentalisant afin d'assurer par là même sa supériorité et satisfaire son complexe racial. Rien n'étonnant à ce que le jazz noir soit présenté ainsi dans la revue musicale de 1920. Le jazz est cyniquement l'orchestre des brutes aux pouces non opposables et aux pieds encore préhensifs dans la forêt de Vaudou. Il est tout excès et par là plus que monotone. Le singe est livré à lui-même, sans mœurs, sans discipline, tombé dans tous les taillis de l'instinct, montrant sa viande plus obscène encore. Ses esclaves doivent être soumis où il n'est plus de maître. Il est honteux qu'il règne. La honte, c'est la laideur et son triomphe. Bottomland par l'orchestre Clarence Williams. N'empêche que l'on continua d'exploiter le jazz des Noirs. Un fait significatif pour le moins, car l'esclavage ayant été aboli, l'idéologie d'un pouvoir racial avait trouvé ainsi un autre moyen bien plus subtil que le fouet et les chaînes. Telle est donc une des conséquences de la prise du pouvoir par la musique. La seconde à nous venir à l'esprit concerne le vedettariat, l'accession à la divinité artistique, l'incarnation dans l'artiste du pouvoir de la musique sur les masses, la toute-puissance de la star. Première véritable star de l'estrade avec Paganini, Franz Liszt inventa la formule du récital, mais dédouanons tout de suite ce compositeur dont la vie entière fut une lutte contre le pouvoir. Nonobstant, l'interprète allait dès lors sacrifier à l'idole de la virtuosité, officier à l'autel du public, en alliant l'avantage de la diffusion à celui de son propre pouvoir d'individu. un pouvoir tiré du subconscient collectif, avide de Dieu à adorer et apte à oublier l'art au profit de sa manifestation superficielle. Caprice pour violon de Paganini, interprété par Itzhak Perlman. Véritable retour à un rituel primitif, le concert devenait cette arène où le taureau est la musique et le toréador le musicien. Mais le public venait bien plus admirer et encourager là le toréador que le taureau. Une fonction nouvelle était née, celle de la vedette. Le star system était déjà en marche. De valoir Голубчик мой, снежком согрей, круг тебя великую игру затеял. Ай, в леса небеса да тучи, тем ветерок на снежок летучий, свейтесь пеленой снежной пуховой, ею как младенца старичка прикрой. Trépak de Moussorski par Chaliapin. Sociologiquement, l'émergence du vedettariat musical s'inscrivait dans l'évolution historico-économique du XIXe siècle, celui de l'ère industrielle. Mais le concert n'est autre, en fait, que la manifestation archaïque de l'instinct grégaire venu communier autour d'un prêtre d'un genre nouveau, un prêtre que le public, les médias, ont hissé sur le socle du veau d'or et parlé d'or n'est pas ici un simple jeu de mots. Car une telle démarche n'aurait pu se concrétiser sans le système de la production et de la reproduction. Production au niveau du pouvoir de l'argent, donnant à la musique une valeur de monnaie d'échange culturelle. La production dans le sens de la répétition, donc du profit, de la taylorisation rentabilisée par la demande et l'offre. Cependant, malgré cet aspect, le musicien-interprète accédait dans le même temps à sa réelle fonction de recréateur. Son rôle d'intermédiaire ainsi valorisé, la vedette naissante se voyait confrontée à divers problèmes, dont celui de son succès même, dont celui de son pouvoir totémisé sur le nombre anonyme de la foule. Devenue porte-parole, officialisée dans sa nouvelle fonction, la vedette entrait dans le cercle vicieux de la récupération. En effet, tout un système économique allait bientôt se greffer autour de la marchandise dont il se trouvait être le médium. Reflet de l'art, l'artiste accédant à l'hypertrophisation de la notion romantique se voyait bâtir superficiellement une auréole d'individualisme idéologique. C'est ainsi que le public confondra rapidement l'image avec la réalité, que la vedette devint un surhomme, une surréalité, vivant ailleurs, dans les contrées où tout est possible, où Cendrillon rencontre le prince charmant, où l'argent se voit démystifié par son abondance même, où l'homme se voit idéalisé, intronisé, Dieu vivant. Et de nos jours, fait caractéristique, on n'écoute plus la 5e ou la 7e de Beethoven, mais celle de Karajan ou de Mazel. La publicité, le snobisme, le manque ou la mauvaise éducation musicale aidant, le cercle se referme lentement mais sûrement. Thank you. C'était la septième de Mazel. Les moyens de diffusion s'étant sophistiqués, la musique est devenue le véhicule de la vedette, ce qui est l'inverse du résultat auquel l'on pouvait s'attendre. La musique n'est plus que prétexte, ayant perdu sa valeur propre au profit de celle de l'interprète vedette. C'est alors qu'éclot une anticulture à consommer et à jeter tout de suite. Mirage et miroir aux alouettes, le vedettariat se pare d'or et de strass pour cacher le stress et le caractère oppressif de mass media qu'il a forgé. A contrario, un instrumentiste reconnu ou une vedette célèbre peut imposer une musique réputée difficile, inaccessible et sérieuse. La musique contemporaine, par exemple, ou tel compositeur non encore assimilé par l'oreille de la collectivité. Voici les 5 pièces opus 23 d'Arnold Schoenberg par Mauricio Pollini. Thank you. Tout ce que l'on vient de dire est d'autant plus flagrant dans la musique populaire, dans la chanson dite de variété. Là, on ne cache ni ses objectifs, ni les moyens d'y parvenir. La vedette n'est plus qu'un produit, lui-même, qu'il faut vendre pour rentabiliser sa mise de fonds. Par l'intermédiaire de la publicité, des médias de presse et de radio, on crée une vedette, un profil, une image de marque, un impact sociologique, étudié des plus scientifiquement. Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie là où est à nous que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie. Nous irons danser, ce soir peut-être, ou bien chahuter. Comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger. Je te suivrai, où tu iras j'irai, fidèle. Ce qui reste tout de même troublant, c'est que la musique dont ne se préoccupent guère les producteurs artistiques des maisons de disques, d'ailleurs ils sortent pour la plupart d'HEC, ce qui est donc troublant, c'est que la musique reste l'articulation de toute cette production, de tout ce système fait pour rêver. Or, il n'existe pas de recette pour un tube. Il faut donc bien reconnaître que le mystère de la musique reste entier. C'est dès lors réévaluer aussi le pouvoir intrinsèque de la musique, capable, au-delà de tout le décorum, de subjuguer les masses, de correspondre à une sensibilité collective. Les phénomènes de la pop, du rock, sont significatifs à cet égard. Ils ont drainé toute une jeunesse de 68 à nos jours. C'est qu'il est donc possible de détourner la destination du système, c'est donc qu'il est possible d'agir sur une société par l'intermédiaire du circuit que le pouvoir a créé de toutes pièces à son profit. C'est donc que la subversion peut utiliser la récupération dont elle est l'objet. Mais étudions d'un peu plus loin un phénomène récent, le disco. Voici le prototype même de la mode entièrement préfabriquée. Une mode qui s'est vue imposée par le pouvoir d'obédience capitaliste, une mode pour laquelle tout a été bon jusqu'au recours au 7e art. Prenons donc comme exemple la fièvre du samedi soir. C'était il y a déjà quelque temps, j'assistais à la projection de Saturday Night Fever. Sujet, le disco. Et en filigrane, une histoire d'amour dont le héros, un dur au cœur tendre, vit dans un ghetto social et racial, un quartier défavorisé d'une grande ville américaine. Paumé dans une jungle de violence, de discrimination par le fric, asphyxié par un environnement d'incompréhension et confronté, de plus, au fameux conflit des générations. Étrangement, aucune révolte chez ce personnage. Une seule obsession, s'évader, le mot est joli. S'évader de cette turpitude en devenant quelqu'un d'autre. S'identifier à une image mirage, voici la solution. N'est-il pas devenu la vedette, le king, sur une piste de danse ? Affirmation sociale donc et reconnaissance en tant qu'individu accompli le samedi soir, transformation réussie. à noter la récupération du docteur Jekyll et Mr. Hyde au profit et non plus contre la société. Intéressante sublimation, n'est-il pas vrai, que cet oubli dent, que ce trip, sage et inoffensif. Chacun prenant son pied comme il le peut, le domaine en est ici la danse, le lieu, le nightclub. Les résonances psychologiques et sociologiques seraient d'ailleurs à approfondir. Et le dénominateur commun sans lequel rien ne serait possible, le disco. Il est significatif par ailleurs que l'expression « être disco » ait pris, tout comme celle « être punk »,« être baba », une connotation sociale. Si nous remontons à la naissance de la pop avec les Beatles, l'hydre n'a pas cessé de se démultiplier en ce sens. Récupération planante des Pink Floyd, voyageant aux portes de l'enfer paradis junkie auquel s'est rattaché le mouvement hippie, identification satanique d'une jeunesse incroyante, insatisfaite et révoltée avec les Rolling Stones. Bien après le country, le folk apparaît et devient identification ethnique et politique. Les rockies reviennent, la rage au ventre et l'écume aux lèvres avec leurs lois, leurs micro-sociétés et leur musique, celle des années 60 de Bill Haley à Cochrane, en passant par Vince Taylor. Le mouvement punk éclot d'une musique agressive et provocante au rythme du marteau-pilon des Sex Pistols, d'Asphalt Jungle. Les babas récupèrent le hippie et Woodstock et rêvent sur Jefferson Airplane. La liste n'est pas exhaustive. Quant aux discos, ils sont par comparaison amorphes, sauf pour danser. Ils n'ont pas connu 68, ils n'aiment ni la provocation, ni la bagarre, ni le nirvana artificiel. En un mot, ils sont intégrés. Et la musique devint porte-drapeau et attribut spécifique d'une jeunesse qui cherche à tout prix à se démarquer, à se personnaliser. Une jeunesse qui cherche avidement dans notre monde décadent son identité qui lui a été volée. Le disco, en outre, c'est aussi la recette pour tube. Correspondant à notre société de ras-le-bol dépolitisée, l'inanité d'une telle musique est le reflet exact de notre société. D'ailleurs, amusons-nous à donner cette recette. Depuis la chélalisation, c'est la taylorisation des tubes, rapport productivité-efficacité. Le matraquage n'a pas lieu que dans d'obscures salles de police, mais à la radio, à la télé, dans les journaux, dans la publicité, au cinéma. Tout ce qui est masse média sert de massue. Le disco, donc, du mot discothèque, cette musique est faite pour les boîtes et leurs sonos. Il faut la gomme à 100 watts que cela sorte à la limite de la perforation des tympans. Il y a donc la recette studio mixage. Une batterie primaire scandant 4 temps à fond la caisse, dont les vibrations sonores recrachées par les baffles devront résonner dans le corps d'une noctambule. Ceci accompagné d'une basse bien sèche et percutante, style Rickenbacker, et le mixeur de bloquer ses potards dans le grave. Il y a aussi la recette arrangeur, quelques violons, pas de second violon, pas d'alto, pas de violoncelle ni de contrebasse. Quelques violons bien rythmés, donc, qui entrent très scientifiquement, des chœurs à la Donna Summer pour soutenir tout cela, ne pas oublier de saupoudrer de quelques soupirs d'extase. Une wah wah bien en avant, une mélodie simplifiée au max, et une voix sensuelle, parole anglaise ou américaine, si vous voyez la différence. Sinon, pour les acheteurs potentiels, pour la plupart du temps, cela reste du chinois. Ceci donc avec une pincée de phasing, quelque peu de réverb, et surtout, n'hésitez pas sur l'écho. Pour les plus sophistiqués, ajoutez un piano aux basses pesantes et aux grappes d'aigus. Une flûte, il faut entendre le souffle. Des synthétiseurs, faites simple surtout. Des cors et en prime, quelques trompettes et trombones pour les tenues, et quelques, peu nombreuses mais efficaces, entrée rythmée pour relancer dans les ponts. Il suffit de mijoter ensuite un son studio par un mixage où seront exaltés les basses et les boomers costauds. Avouez que ce n'est pas sorcier. D'ailleurs, la banalité d'une telle musique d'arrangeur est si évidente que, sans changer la mélodie et son rythme premier, tout se met en disco, de Charles Trenet à Singing in the Rain, en passant par Tino Rossi, c'est une surprise, et Only You. Mais on ne s'arrête pas là, on va jusqu'à ennoblir la cinquième, Ne me demandez plus de qui, et La nuit sur le mont Chauve. Imaginez le rouge et le noir traité par San Antonio. À force de simplifier, de donner à consommer, significatif, en tant que musique, quelque chose qui n'a plus rien à voir avec elle, nous courons allègrement à une analphabétisation musicale certaine. We'll be right back. Cela dit, en 1980, la prise du pouvoir par la musique, c'est aussi un problème de société, celui de l'alliance science-art. Pour la musique, il s'agit d'apprivoiser et de dompter l'ordinateur, nouveau messie de notre XXe siècle. Sans faire de futurologie, il est évident qu'une telle démarche doit nous faire réfléchir sur les conséquences esthétiques, éthiques, autant que sociologiques et historiques. J'avais, voici quelque temps, posé le problème à trois jeunes compositeurs dans un journal défunt intitulé « Vendredi ». Ces compositeurs en ont Alain Dubois, Pascal Dussapin et Marc Monet. Voici ce qu'ils avaient répondu. Pascal Dussapin. Un son n'est ni de gauche ni de droite, mais celui qui l'émet est forcément d'un bord ou de l'autre. Pour un compositeur, il est, je crois, assez simple de prendre un parti pris politique. Il se trouve, ce n'est pas nouveau, et c'est peut-être à ce niveau-là que se situe l'anachronisme même du fait social propre au créateur, il se trouve qu'il manipule des objets formels, intellectuels, qui sollicitent des zones de la pensée, de l'affectivité, de l'esprit en général. Ces zones étant quant à elles influencées par l'environnement social, je vis à Paris, etc. Il est certain que la création est actuellement la seule activité qui permette une vision d'avenir, éventuellement post-mortem. Aussi peut-on poser le problème du dynamisme de son travail, de sa création. Celle-ci peut être très immédiate, rattachée à un fait politique, à une prise de position dans l'actualité, mais il n'en demeure pas moins que la pérennité de l'œuvre dépendra non pas de sa référence immédiate, mais de sa structure interne. Si Guernica avait été un mauvais tableau, on le saurait. Peut-être, d'ailleurs, n'en parlerions-nous plus. Alain Dubois. Il y a, je pense, le fait social, c'est-à-dire le compositeur dans son rapport direct avec le quotidien, sa vie étant inclus dans les autres vies en même temps. Puis, tout d'un coup, apparaît l'acte musical, un champ temporel et géographique qui se rétrécit et qui résume alors tout le reste dans la focalisation que constitue l'acte compositionnel. À partir du moment où un créateur est un être vivant dans une société donnée, il délègue un sens à sa musique, à son écriture, à son écrit par rapport à son attitude face aux politiques. Quand le compositeur compose, il vectorise une position, sa position. Marc Monet. Il y a toujours, à un moment donné, une forme de pouvoir qui s'instaure par la médiatisation de la musique. On ne peut le nier. Dire que ce pouvoir est rationalisable dans une intention politique est, je crois, une erreur, car cela mène à l'utilisation de tous les abus habituels. On ne peut en aucun cas ramener la musique à une seule idée du pouvoir. Si le créateur est normalisé, il ne l'est pas aussi simplement que le flûtiste de la place Saint-Michel. Ce qui est dangereux, c'est que le créateur est toujours, de quelque manière que ce soit, en relation avec un pouvoir ou un sous-pouvoir. Nous sommes toujours confrontés à une réalité du politique, mais je ne crois pas qu'il faille refuser l'intégration. Si l'on regarde les mouvements les plus intéressants de révolte, de contestation du XXe siècle, on s'aperçoit qu'ils sous-tendent l'avenir, mais qu'ils n'en sont pas pour autant efficaces dans le présent. Je pense qu'il existe un autre aspect non négligeable. Je veux parler du danger du matériau, du computer en l'occurrence. Celui-ci pouvant être utilisé d'une autre manière que musicalement parlant, c'est-à-dire afin d'infléchir le politique. Et voici un exemple significatif parmi tant d'autres qui pose le problème du créateur face à la société, au pouvoir. Et je veux parler de Schoening, directeur d'un centre de recherche musicale aux États-Unis. Ce dernier me disait « Je suis complètement libre, mais, n'est-il pas merveilleux ce mais je dois remplir un cahier des charges, sinon je ne peux plus continuer de faire la musique que je veux avec tout ça. » Tout ça, c'est 3000 m² de machines, un budget de technicien et de chercheur. Si le postulat est effectivement fabuleux, il n'en reste pas moins que l'on joue alors à Faust. Ne lui demande-t-on pas, en effet, d'étudier le comportement relatif à l'émission de tel son dans telle ou telle condition? Et n'est-ce pas jouer avec le feu que d'accepter en pleine conscience que le résultat de ses recherches puisse être éventuellement utilisé à des fins autres que musicales? Mais cependant, l'outil, le computer, n'est pas à remettre en cause. Oui, l'ordinateur est là, on ne peut plus discuter cet état de fait. Au lieu de le subir passivement, il est donc préférable d'envisager ce que l'on peut faire avec. Dans les deux ou trois décennies à venir, on peut arriver à des résultats tout à fait étonnants au niveau de la facture instrumentale, ce qui infléchira un changement dans les rapports musicaux. L'institution de l'orchestre, la mort, point d'interrogation, du compositeur et ou celle de l'instrumentiste, nouveau point d'interrogation, s'apercevoir qu'une machine complètement idiote que l'homme a inventée risque de compromettre la propre réalité de celui-ci, c'est assez renversant. Pour tout ce qui est matériel, informatique, etc., il est certain qu'il faut prendre en compte entièrement l'engagement du compositeur par rapport à ce média. La synthèse des sons par ordinateur offre de nouvelles possibilités de structure, mais je pense qu'il n'y a pas plus à s'inquiéter ou à s'effrayer de cela que du violon détrônant en son temps la viole de gambe. Que cette nouvelle lutherie soit bien plus dépendante du pouvoir que n'a pu l'être le violon replacé dans son contexte historique, c'est effectivement beaucoup plus grave. Je crois aussi qu'il n'existe pas de réel danger du matériau en lui-même. Je ne dis pas qu'il est innocent, mais le problème véritable reste, à mon avis, son organisation. Pour le créateur, l'ordinateur est avant tout un engin de production. On ne peut refuser aujourd'hui, malgré que cela me pose des problèmes personnellement, cet élan historique vers le rationalisme, car si l'analyse scientifique, biologique, prouvait que le corps humain fonctionne binairement comme l'ordinateur, cela ne résoudrait pas pour autant la nécessité d'écriture, ni son côté pulsionnel. Curieusement, il n'est pas impossible que la machine inventée par l'homme arrive à créer une société où la notion de pouvoir, telle que nous le connaissons, pourrait bien être remise en cause. L'ordinateur, renversant la notion établie de pouvoir centralisé, parce qu'accordé à tous, ce serait logique. L'inverse le serait tout autant, d'ailleurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre un violon et un computer, il y a des années-lumière. Le violon, connoté à l'ensemble du social du XVIIIe siècle, possédait un champ d'application somme toute restreint, mais celui de l'ordinateur est bien plus vaste, puisqu'on pourra posséder un logiciel, un processeur, chez soi, qui sera relié. Ce qui veut dire que la toile d'araignée va s'étendre et nous recouvrir entièrement. Ce sera un véritable réseau, et on sait très bien maintenant quelle est l'incidence de l'instrument sur la création, que cela infléchira totalement nos rapports musicaux. Le processus de pensée de l'être humain n'est pas algorithmique, contrairement à celui du computer. Ainsi, s'instaure une déviation contre laquelle le compositeur est actuellement démuni. Le créateur n'est pas encore prêt à pallier cet inconvénient, largement pas, ce qui revient à dire que le problème du compositionnel est donc en cause face à son outil. Et j'ajouterai que cela dirige en outre l'attitude du musicien au politikos, que nous sommes en plein Moyen-Âge et que nous commençons à peine à comprendre. Encore faut-il pouvoir agir, réagir. La véritable question est de savoir, au-delà de l'intérêt immédiat de la recherche musicale pure, quelle incidence une musique faite dans ces conditions aura sur le processus de réception, assimilation, compréhension des auditeurs. Nous sommes responsables de la musique que nous écrivons. Je ne crois pas du tout aux vertus du changement immédiat. Je ne crois pas plus à une conception de type partisane et activiste. Mais l'esthétique est le seul lieu où l'on puisse faire et dire tout ce qui est impossible de faire ou de dire autre part. En tant que compositeur, nous pouvons donc travailler dans le domaine de l'interdit, parce que ce n'est pas lisible comme tel. C'est pourquoi il n'y a pas de censure directe en musique, alors qu'elle s'exerce en littérature et au théâtre. Par contre, le discours sûr, c'est-à-dire avec volonté de décodage, est un discours didactique et répressif, de type politique, parce qu'essayant de rationaliser ce domaine. Je crois que la musique est quelque part une solution désespérée. Ce qui est terrible, c'est cette espèce d'informulé, d'irréalité, d'illusion. C'est jongler avec des concepts, des structures. Finalement, le compositeur, face à son papier, règle pas mal de problèmes personnels. Il fait ça pour ne pas mourir. C'est le non-dit, le nœud du problème. Cela fait 2000 ans que l'on emploie la musique, que l'on détourne la notion d'art afin de la soumettre aux politiques. Et nous aurions encore peur de comprendre. Mais maintenant, nous savons, les recherches psychoacoustiques sont suffisamment avancées, non ? Vinko Globokar a une position très claire là-dessus, la provocation positive. Il a inventé en outre une technique qu'il explique d'ailleurs sans ambiguïté. Ainsi est-il très sensible aux rapports qui s'établissent entre la musique et le public. Si Globokar précise qu'on ne doit pas écrire pour le public, sa démarche n'en reste pas moins politique, tout comme celle de Kagel qui travaille sur le social directement. Ce n'est plus, à ce niveau-là, un travail uniquement sur le musical, car les rapports ont complètement changé. Je vais m'avancer, mais je pense que les gens de droite comprennent mieux l'art parce qu'ils ont réussi à l'intégrer, à le récupérer, à en faire un objet marchand. Ce que les gens de gauche ne veulent pas comprendre puisqu'ils en font un objet de politique. Or, la musique est considérée comme subversive tant par la gauche que par la droite. Mais la fantastique intelligence du capitalisme, c'est sa capacité d'osmose. Ce n'est même plus de la récupération, c'est de l'intégration cellulaire. Il est certain que l'artiste est tombé là-dedans et joue avec cette ambiguïté, car il y a une collaboration effective des artistes, que l'on connaît tous, Vasarely, César, Mathieu, pour ne citer que dans le domaine des arts graphiques. Je crois qu'il faut être humble. Ce que je peux faire, je le ferai. Je ferai ma musique, je ferai mon truc. Je veux dire par là que mon action est tout à fait restreinte. Oui, mais ta descendance sera aussi nombreuse que les grains de sable dans le désert. Le compositeur est différemment intégré au fait social que l'interprète, par exemple, qui détient un statut reconnu, accepté, clair et net. Mais on pourrait se poser dès lors la question, à savoir, le compositeur désirerait-il être inséré si on le lui demandait ? On se heurte alors au concept de liberté, champ d'application et de recherche de la création. Soit le compositeur accepte un statut à travers ce que fixe l'argent, avec les conséquences que cela entraîne, soit il refuse. Le compositeur est quelqu'un qui a une certaine anormalité par rapport à la normalité agréée. Et cette anormalité se signale par l'esthétique. De nos jours, il faut travailler dans un malentendu permanent, être conscient en outre de ce qu'est la société musicale qui nous entoure et de la pression qu'elle exerce. Mais il faudrait alors parler aussi de l'enseignement et de sa formulation. Que conclure, sinon qu'il serait temps, peut-être, de prendre conscience du pouvoir politique de la musique et des rapports de celle-ci avec ce dernier. Mais comme le dit Marc Monnet, le problème est aussi l'éducation. Nous avons apporté quelques preuves convaincantes de la signifiance de la musique en nous attardant sur son utilisation à la fois oppressive et subversive. Voyons tout de même comment il est possible d'aller encore plus loin et envisageons maintenant les rapports de la musique avec l'enfant. On a salué la création du baccalauréat musical comme le droit pour les musiciens d'entrer à nouveau dans la cité. Mais la musique, elle, n'est-elle pas toujours dans la caverne ? Peut-on même dire de la musique, elle est une matière ? L'enfant, dans les premières années de sa vie, s'imprègne de sons, emplissant sa solitude des bruits et des voix qui l'entourent. Il va petit à petit dégager de ces bruits vibrations, des mots significations. De ces mots vont naître, par des jeux se hissant de l'inconscience à la logique, des associations qui engendreront ces premiers dialogues, et de ces dialogues émergeront la phrase et le langage, qui rattachent l'enfant, dès lors, au monde extérieur et lui confèrent sa place sociale. Or, la musique est un langage à part entière, et l'enfant y réagit de la même manière. L'apprentissage de la musique suit donc un processus identique à celui de la parole. La parole chez l'enfant se forme en effet en trois stades: perception, compréhension, communication. Ce sont ceux-là même que définissent les linguistes dans leurs études sur le langage et la communication. Mais quel est donc le processus de création musicale ? On s'aperçoit en premier lieu que le compositeur doit avant tout apporter un message. Message qui sera fonction de son expérience globale, de son vécu. Message qui est étroitement lié dans sa conception au mode d'organisation de sa pensée. Lui-même fonction de son acquis culturel ou, dans le langage linguistique, du bagage sémiotique. Tous ces éléments vont être alors triés, analysés, combinés pour se réaliser dans leur forme élaborée, logique et signifiante. Le dernier stade est celui de la réalisation, de l'écriture, qui transcrit les idées abstraites concrètement, et ceci n'est pas un paradoxe. L'audition est quant à elle une mise en situation de la musique par rapport au vécu des intermédiaires, musiciens et auditeurs. La musique va passer par le centre de décodage, toujours dans le langage linguistique, centre dans lequel elle va être perçue comme son, c'est-à-dire analysée en hauteur, dynamique, timbre, couleur, etc., puis ainsi perçu, va devenir et redevenir message linéaire au stade de la réception. Ce message linéaire n'est qu'un nouveau sens, cette fois global, reçu par l'auditeur. À ce niveau, il n'y a encore ni construction, ni action. Il faut donc, pour que le message soit reçu en tant que signification, une analyse de la part de l'auditeur. Ainsi, faut-il pouvoir faire appel à des concepts, établir des références, prendre alors conscience de l'élément social de la musique dans sa réalité exprimée et analyser enfin ses analogies tout en recherchant les symboles et la dialectique de l'œuvre, sa logique, ses développements, ses contradictions ou ses paradoxes. C'est seulement là qu'une signification prendra forme. Seule l'assimilation par le vécu et le bagage sémiotique signera son aboutissement. Le message du compositeur devient celui de l'auditeur. Et l'analyse entre le centre de décodage et le centre de réception est indispensable pour établir une communication, car le message n'atteindra son but qu'en devenant et redevenant signifiant. Ceci dit, il nous reste à répondre à une question sans laquelle rien n'aurait plus de sens. La musique est-elle signifiante ? Par exemple, quand Berlioz écrivit sa symphonie fantastique, la musique qu'il composait n'était pas son amour, mais son amour devenu musique, prenant ainsi une dimension nouvelle, sublimée. Au sens philosophique, cela veut dire que la signification véritable d'un être est ce qu'il peut devenir en accédant à un mode sublime d'existence. Dès lors, la musique a-t-elle une âme? Est-elle une personne morale? La définition de la personne morale est la suivante. Un être individuel en tant qu'il possède les caractères lui permettant de participer à la société intellectuelle et morale des esprits. Ainsi, si conséquemment à la place que la symphonie fantastique peut tenir dans ma vie intérieure, je peux prendre place dans une véritable société morale, la musique est alors devenue personne morale. On peut donc considérer qu'une œuvre entrant en relation individuelle avec des âmes humaines, avec des personnes morales, dans une société donnée, est porteuse d'un message. Mais ce message n'a pas été jusqu'à nos jours véritablement établi, même s'il est toujours sous-jacent. Or, si l'enfant sait apprendre à parler, pourquoi le langage de la musique lui est-il si difficile d'accès? Les sensations, voire entendre, toucher, sont déterminantes pour l'apprentissage d'un langage. La musique, par excellence magie et jeu, réunit, et c'est une la palissade, ces trois composantes. Il faut donc qu'elle soit reçue comme complète, mouvement inclus, car elle est aussi art du mouvement. Ainsi, le geste, la pantomime, la danse sont étroitement liés chez l'enfant et l'expression musicale est pour lui audible, visible, tangible. Le jeu étant indissociable de l'apprentissage de la parole verbalisée, pourquoi dès lors refuser à la musique sa marraine ludique? Pourquoi ne pas utiliser, motiver cette notion de jeu? Encore faut-il définir ce que l'on entend par ce terme. Le jeu est action, il est quelque chose de réel, d'effectif, donné ici-bas, mais il a cette particularité de s'élever au-dessus du monde du réel et de posséder son propre logos, son propre temps et son propre espace. Il est jeu créateur de l'esprit et contraint toute chose à apparaître dans sa propre forme. Il est en soi et pour soi, une impulsion créatrice. Le jeu est esprit inventif, il est la liberté des combinaisons, de l'imagination créatrice, il est évolution constante, se créant et se détruisant sans arrêt. Le jeu est l'actualisation déformée d'une réalité vécue. Le jeu, créateur et catharsis. Ainsi, la création artistique doit avoir une signification dans l'être et le devenir de l'enfant, car l'enfant est créateur par définition puisqu'il est obligé de modifier le monde, de le recréer à ses dimensions, au travers de sa sensibilité. Il faudrait donc préserver cette pureté, cette poésie qui n'appartient qu'au petit prince. Le solfège a tué la musique, disait Maurice Emmanuel. Et cette phrase, prophétique à l'époque, est aujourd'hui la constatation d'une navrante réalité qui a la vie dure. L'enfant désire avant tout se donner à une activité libre et non pas s'encombrer d'un trésor aux mots secs et aux règles mathématiques. Il faudrait avant tout comprendre cela pour commencer enfin par la musique. Et ne devrions-nous pas apprendre à entendre et à communiquer par la musique? Hélas, cette liberté dans l'action créatrice, nous sommes obligés de la reconquérir. Or, comment aujourd'hui enseigne-t-on la musique? Ou mieux, qu'enseigne-t-on si ce n'est un certain nombre de règles dont la plupart sont caduques? En effet, la musique est liée à sa notation, aux instruments et à leur technique propre d'exécution. Et ces éléments ayant sans cesse évolué, les moyens de transmission sont devenus à leur tour caduques et la musique avec eux. L'enseignement s'appuie donc sur la codification, à un moment donné, de l'évolution musicale. Et ce qui est désastreux, c'est que l'on ne prenne même pas la peine d'expliquer sa raison d'être historique et esthétique. On ne fait que l'enseigner comme une véritable Bible en laquelle il faudrait avoir une foi absolue. Et ne nous étonnons plus si le fossé séparant radicalement le compositeur contemporain des musiciens et des auditeurs se creuse vertigineusement. En outre, l'éducation est fondée sur un système historique d'écriture que l'on n'emploie plus guère de nos jours, et je veux parler de la tonalité bien entendu. Or, à quoi cela sert-il d'apprendre le grec ancien avant notre langue maternelle? Il en est pourtant ainsi de la musique. On fait d'abord ses humanités, ensuite seulement on apprend à lire et à écrire. Même s'il n'est pas vain de savoir d'où vient notre langue et d'apprendre le grec ancien, le latin ou l'ancien français, que sais-je, ne devrions-nous pas enseigner d'abord la grammaire au point où elle en est parvenue aujourd'hui? C'est ainsi que nous sommes maintenant autorisés à affirmer que la musique ne peut être en aucun cas une matière scolaire au sens traditionnel du terme. Il faudra bien un jour se rendre à l'évidence. La musique est jaillissement et vie, représentation signifiante et mise en situation sans cesse structurée et restructurée du cosmos, du politikos. Thank you. Thank you. Qui est là? Ha ha!

Cette émission a été diffusée pour la première fois le 19 novembre 1980. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Le temps de te pincer. Tu n'as plus besoin de rire pour ne pas me fâcher. Le vieil oncle d'Argentine est enfin arrivé. Il m'a rendu ma barrette, ma perle et mon boa, les ciseaux, mes gants de laine, cadeau de ton papa. Jamais tu n'aurais dû vendre ce qui m'appartenait. Jamais tu n'aurais dû croire que je ne verrais rien. Jamais tu n'aurais dû boire et rincer les copains. Je t'ai vu fripon t'enfuir à terre entre les paniers, te cacher dans la remise sous un tas de papier. Si tu files à la cuisine, ne passe pas sous les pieds. Je renverse les légumes sur tes cheveux bouclés. Tu n'as plus besoin de fuir car j'ai déjà pardonné. Fais-moi du feu sous la soupe, écrase-moi le café. Les larrons de ton espèce perdent un jour la culotte. Le temps d'une cigarette, c'est leur femme qui la porte. La bague de mariage t'est passée au naseau.